Amis golfeurs, votre marché Richelieu Flora la Chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On va parler de golf avec notre ami Gilles Larouche, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime. Salut Gilles! Bon matin! Gilles, c'était une tradition en fin de semaine, le fameux tournoi mix d'Olbeau avec Saint-Prime, mais ça a bien été, j'ai vu des photos passer sur Facebook, c'est un tournoi qui est bien amical, hein? Oui, c'est une classique amicale. Ça permet des beaux rapprochements entre notre club et celui de Dolbeau. On est très, très près un de l'autre. Ouais. Et d'ailleurs, 88 joueurs ont participé ce week-end. On a eu de la belle température. On était très bien accueillis à Dolbeau. L'organisation était impeccable et on s'est beaucoup amusé. OK. Donc, on va donner les gagnants dans quelques secondes. Juste rappeler peut-être que c'est l'équipe. T'as gagné, toi, hein? Oui, j'ai la deuxième position dans le A. OK, la première, ouais. C'est notre ex-président Rémi Cortness. Oui, effectivement. Avec Mme Lynn Sauvageau de Dolbeau. Les autres. Le Roy et Richard Thibault de Saint-Prime. Ils ont joué moins 19 dans le A. Oui. Évidemment, toi, tu as eu moins 18. Oui. Également, tu étais avec Gilles Malouin et Caroline Fortin. Et Charles Wallet. Et Charles Wallet. Et dans le B, c'est mon chum Junior Junot. Avec son équipe, avec Gaston Simard, Gemma Kirkness et Marc Gill, qui ont remporté avec une carte de moins 17. Donc c'est bravo, c'est un beau tournoi, c'est une belle organisation. Définitivement, puis c'est fait. On le souhaite tous que ça se poursuive encore plusieurs années. Oui. Donc, par la suite, on va y aller maintenant avec les lundis promos. Ça se déroule actuellement. Ça, tous les lundis au club de golf de Saint-Prime. Ben, j'ajouterais qu'à tous les jours, du lundi au vendredi, on met une promotion en après-midi sur Facebook. OK. On regarde le matin, ça peut être une promotion en lien avec la météo. Ouais. Parfois, il fait 23 degrés, puis on dit, venez nous encourager, à compter de 13 heures, c'est 23 $ pour un 18. Comme aujourd'hui, c'est le mercredi promo, où est-ce que les gens qui vont venir jouer après régulier pour un 18 trous ont une voiturette motorisée gratuite. Okay. À chaque jour, on s'organise pour être créatif, pour meubler cet espace entre 13h jusqu'à la fermeture. Il n'y avait pas une promotion, c'était vous autres qui organisiez ça avec le degré, avec les degrés à un moment donné, là, c'est là 2-3 ans. Là. Bon, on le fait encore cette année. On le fait encore cette année, okay. En début d'année. Ouais. Oui, on le fait à l'occasion, on essaie d'être le plus diversifié possible. Ouais. Mais oui, en lien avec la météo, parfois il va faire un 27 degrés au lieu que ça coûte 38 $. Ben, on le fait au prix météo. Fait que les gens y arrivent à 26, payent 26 $. OK, OK. Alors, on s'ajuste à chaque jour là, pour pouvoir vraiment offrir une gamme de produits et attirer monsieur et madame tout le monde. OK. Aussi maintenant, aujourd'hui, c'est le début du tournoi junior. En fait, c'est l'Académie junior. OK, l'Académie junior. C'est à Saint-Prime. Ouais. Oui. C'est donné par notre directeur golf, Jonathan Lambert. Puis on est un groupe là, qui allons l'assister parce que c'est 60 jeunes qui arrivent ce matin. Il y en a qui sont arrivés d'ailleurs, ça commence à 10h. Okay. Il y en a qui sont arrivés à 8h ce matin. Okay. Je peux vous dire qu'il y a une énergie qui est tout à fait incroyable. Là. C'est tellement agréable de voir là, ces jeunes arriver avec le sourire. On va aller chercher un autobus, on part de Robertval, on va à Mastoyat, c'est Saint-Félicien. Ils arrivent ici, on commence à 10h, on offre le dîner, puis on les raccompagne à 16h. Okay. Cette année, comme je mentionnais, il y a 60 jeunes. Et on a une particularité, cette année, on a une petite jeune fille qui a 2 ans, oh, qui va participer à l'académie. Et normalement, ça varie entre 6 et 17 ans. Mais cette année, on a une jeune mascotte avec nous. On a hâte de les accueillir et pouvoir partager toute cette belle énergie avec eux. C'est tellement important. Est-ce que ça a baissé cette année? Parce que là, vous avez un gros compétiteur, c'est le Deck Hockey Saint-Prime. Ça s'adresse carrément aux jeunes. Là. C'est pas les gens de 50 ans qui vont jouer au Deck Hockey. Là. Et ça, c'est votre relève. Donc ça, c'est un sport que vous n'aviez pas dans le temps, puis que là, c'est la folie. Est-ce que ça a baissé? Non, ben dans les trois dernières années, on roule tout le temps à 55-60 jours. Ah, OK, donc ça n'a pas passé. L'année passée, on avait 61, si ma mémoire est bonne. Cette année, on a le même nombre d'inscriptions. Et c'est clair qu'au niveau de l'académie, nous, c'est vraiment les bases du golf. On leur montre toutes les techniques. Mm. Et en plus de ça, cette année, c'est qu'ils vont aller de plus en plus sur le terrain. Okay. Pour eux, c'est agréable. Oui, dans le champ de pratique, c'est bien là, de faire des élans. Mais de leur montrer la technique, qu'ils puissent jouer des trous de golf, ça, on va axer un peu plus là-dessus cette année. Est-ce que c'est en collaboration avec Merci de Domaine du Roi en forme, oui? Non, pas non, cette année. OK, parce que les autres années, c'était ça, je pense. Oui, on avait eu une subvention il y a 2 ans. Okay. Mais disons que ces gens-là sont toujours derrière nous. On a des petits besoins ou quoi d'autre. On s'adresse, puis au niveau de la MRC ici, le club de golf est très gâté. OK. Évidemment, là, on parle évidemment de votre tournoi aussi qui s'en vient au mois de juillet. Comment ça va les inscriptions jusqu'à maintenant? Là? On se ramasse à Las Vegas si on réussit le coup du potting. Oui, c'est ça. C'est le méga week-end golf, toi, ouais. Cyril Mann. Ça va très bien. Les inscriptions, disons, pour l'Omnium, on est déjà, puis on n'a pas parti en grosse campagne de promo. On a tout près de 100 joueurs déjà d'inscrits pour l'Omnium. Les autres années, c'était quoi? L'année passée, on s'est rendu à 120, okay. Si ma mémoire est bonne. Mais la cible, c'est clair qu'entre 120 et 144 joueurs, pour nous, c'est une belle réussite. Okay. Le concours de potting, le Master of Potting pour le gagnant de Las Vegas, il y a beaucoup, ça l'appelle, il y a des gens de Québec, il y a des gens d'un peu partout dans la région qui vont venir, c'est clair. Okay. Le tournoi des équipes, selon moi, il y a déjà 200 inscriptions. Hey. On prend 288 joueurs, puis on est encore à un mois là, de l'activité. Pour ce qui est du long drive le vendredi soir, il y a beaucoup de gens de l'extérieur, un peu partout de la province, qui sont déjà inscrits. Okay. Alors, ça s'en vient drôlement intéressant là, pour cette activité promo du club de golf. OK. Ben Gilles, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui. Bon, on s'en reparle évidemment au courant de la semaine prochaine. Donc voilà, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles.